Chapitre 2. Une rose. La cour d'Angleterre présentait à cette époque-là un étrange spectacle. On y faisait de la théologie nouvelle comme à Wittemberg et des madrigaux parfumés d'amour comme à Fontainebleau. Henri prétendait être galant comme François Ier et réformateur comme Luther. Ses prétentions se retrouvaient naturellement dans les mœurs du grand monde. Bals, controverses, cavalcades, discussions, mascarades, motets exécutés à l'aide d'instrumentistes d'Italie, tout cela marchait de concert. La fête qui se donnait ce soir-là dans le palais de Windsor réunissait chacune de ces choses. Dans le coin d'un vaste salon, le roi, en verbe de discuter des choses de la religion, présidait d'une sorte de concile où le cardinal Wolsey et plusieurs autres faisaient assaut d'érudition. Dans une autre pièce, non moins vaste, on avait organisé une mascarade dansante dans le goût de celle de Venise. Là brillaient les jeunes gentilshommes, les dames de haute lignée, les étrangers de distinction, en un mot, toute la fleur de la noblesse contemporaine. Un peu plus loin, dans l'appartement voisin, autour de tables splendides servies ou abondamment pourvues de jetons d'or, se tenaient les buveurs et les joueurs, assistances toujours nombreuses dans les palais des rois. Vers le milieu de la soirée, cependant, Wolsey remarqua quelques nuages sur le front de Henri. Sa Majesté paraissait s'ennuyer ce soir-là beaucoup plus royalement que de coutume. « Qu'il en soit donc ainsi, » répondit le monarque, et d'un geste, il congédia le cercle qui s'était arrondi autour de sa personne. « Où allons-nous ? » demanda-t-il ensuite à Wolsey, qui en ce temps-là ne le quittait pas plus que son ombre. « Dans la salle des buveurs, » répondit le cardinal. « Pourquoi dans celle-là plutôt que dans celle du bal ?»« Parce qu'on est sûr d'y trouver les gens les plus insoucieux de tout le royaume, » Majesté. Heureux, les buveurs, rien ne les arrête. La politique, ils la noient au fond de leur coupe. La théologie, leur joyeux propos, la force à s'enfuir. L'amour lui-même, ils le jouaient sans rire dans des couplets pleins d'une gaieté folle. Boire, bois la vivre, dirait Rabelais le Tourangeau. Allons donc dans la salle des buveurs, Majesté. Ce qui était dit fut fait. En un clin d'œil, le monarque, toujours accompagné de son conseiller intime, fit son entrée dans l'appartement consacré aux joyeux compagnons. La première personne qui frappa les regards de Henri fut un petit homme mince, à figure contrefaite, à taille de nain, ayant au côté une rapière presque aussi longue que lui, et sur la tête une toque de velours surmontée d'une pittoresque plume de paon. « Ah, voilà Tom Rick !» s'écria le roi avec un sourire qu'il s'efforça de rendre jovial. « Bonsoir, Tom Rick. Tom Rick le fou. Tom Rick le plus heureux homme du monde quand il a, dit-il, deux doigts de madère dans son verre. » Ces mots du monarque, Tom Rick le fou, ont suffisamment fait comprendre à nos lecteurs quel était ce personnage nouveau. Tom Rick tenait à la cour d'Angleterre le même emploi que Triboulet exerçait à la cour de France. Il réjouissait Windsor comme l'autre égayait le Louvre. Il était en un mot le bouffon en titre du roi. « Eh bien, Tom Rick !» recommença à dire Henri, qui voulait à toute force se mettre en belle humeur. « La vie est-elle douce pour toi ce soir ?» N'as-tu pas là pour t'égayer tout ce qu'il faut, et entre autres choses, ces bouteilles de France et d'Espagne auxquelles tu aimes tant à compter fleurette ? Sire, répondit assez insolemment le fou, je n'ai rien du tout, et voilà précisément ce qui me rend l'homme le plus désolé qu'il y ait maintenant sous la lune. Soyez bien certain que je m'amuse ici comme un goujon dans la poêle à frire. Qu'est-ce à dire, maître sot ? N'avez-vous pas dans le palais vos coudées franches, et l'intendant de nos menus plaisirs vous laisse-t-il manquer de quelque chose ? Le madère que vous aimez tant est-il à sec? A-t-on, sans vous, vidé toutes les bouteilles? Sire, ce ne sont point les bouteilles qui sont vides, mais la bourse de votre serviteur. Comment cela? Ne vous comptons pas chaque matin 3 écus d'or? On me les compte très exactement, sire. Mais on m'en compterait le double, le quadruple et le centuple, que je n'en aurais pas plus à 7 heures qu'un âne n'a de plumes. Je ne sais avec quoi l'on fait l'or à présent, mais il glisse entre les doigts comme une anguille. Tous mes écus s'envolent de ma bourse comme des papillons. C'est à n'y rien comprendre. J'ai demandé à 18 sorciers, dont un astrologue, l'explication de ce phénomène, et tous m'ont répondu qu'ils n'y entendaient pas plus qu'un renard à jouer de la flûte. Mais c'est bien simple, mon pauvre Tom. Tu portes trop de bouffées de rubans après ton pourpoint. Du tout, ces rubans-là, je les ai volés à la propre toilette de votre majesté. En ce cas, tu te ruines pour sacrifier à l'amour. Je suis sûr que ma jolie blonde... Aucune ne m'a jamais dépensé un shilling. Une caresse vaut une caresse, un baiser, voilà mon système. Ce n'est pas par là que s'envolent mes écus d'or. Ah, J'y suis, tête fêlée, vous jouez. Vous vous donnez des airs de grand seigneur. C'est le passe-dix qui vous prend tout. » Cette fois, le roi devinait juste. Le passe-dix est une hydre à mille têtes qui dévore ce que je porte. Sire, rendez-moi un service. Condamnez les quatre clés du passe-dix à 6 mois d'étui forcé. Cela me donnera le temps de renouer en plus connaissance avec vos écus d'or. Mais j'y reviens encore, Tom. Il te restait une consolation, le madère. Hélas, sire, voyez jusqu'où va la haine que me porte le passe-dix. Il me restait une coupe de vermeil, le passe-dix me l'a emporté. Comment boire le madère après une aussi grande noirceur ? Le roi jeta dans les mains du bouffon une poignée de menues pièces et prenant Wolsey à part. « Tu vois que les buveurs n'échappent pas plus à l'ennui que les autres, » lui dit-il. « On doit être plus joyeux dans la salle des quadrilles. Allons-y. » Henri VIII, au milieu de ses fêtes, était toujours le roi soucieux et dévoré de jalousie, le sombre époux qui, à tout propos, fait intervenir la hache du bourreau dans ses querelles de ménage. Le hasard voulut que, lorsqu'il entra, une grande danse de caractère fût entamée et qu'un incident inattendu vint encore assombrir son esprit, déjà chargé d'inquiétude et de mélancolie. Autour de son diadème d'or, Catherine Howard avait fait placer une couronne de roses. Reine de la Grande-Bretagne, elle avait voulu être reine par la beauté, et ses instincts de charmante coquetterie lui avaient suggéré la pensée de mêler les fleurs aux ornements royaux. Mais la rapidité des quadrilles dérangea cette symétrie, et au moment où Henri entrait, l'une des roses se détacha de la coiffure de la reine et alla rouler aux pieds du marquis de Llinars, ambassadeur d'Espagne, assis non loin de là. Ce gentilhomme, dans un moment de galanterie désintéressée, ramassa la fleur et la présenta à Catherine avec un gracieux salut. Le roi vit tout ce manège et il ne put pas se contenir. « Qu'on éteigne les bougies, dit-il, et qu'on arrête les danses. Une heure de plus pourrait porter atteinte à la santé de notre auguste épouse. » « Pauvre Catherine, » disait de son côté la duchesse de Cambridge, en examinant tout ce qui se passait. « Pauvre Catherine, Dieu veuille que cette rose tombée ne soit pas une image de la fortune qui t'attend, et que ta tête ne soit pas promise au bourreau, comme celle d'Anne Boleyn. »